Cra, cra, cra, cra. Le son se va. Sur nos souffles bravo, ce qu'on leur donne c'est cadeau. Quelque chose sous le capot, et on fait des cagous. COD kaboum, drag côté clabousse. Perle tête pour la mouche, perle tête pour la mouche. On quitte dans les délais, là pour les dolos, vieux les verts comme Piccolo. J'en t'aime pas mais t'en solo, je veux faire une équipe où j'y vais solo. L'âge de vieux a fait sa volée, pas d'allergie au pollen. Pété sous lunettes de soleil, l'argent, les drogues ont pris mon sommeil. Voilà pour House et la zombie, vos corps séries, all eyes on me. On est beaucoup comme une fourmi, short du Banks, short du Fournil. T'en demandes et on fourmi, il me reste pas beaucoup, j'ai tout mis. Ça sera la bêtise, je m'ai touché tout dit. J'suis peut-être perché, rien à faire, nous on sait pas. On fait coller, de goûter le bon, le fameux. Ça nous dit, ça blabla, mais on sait qu'ils sont fans. Ça nous dit, ça blabla, mais on sait qu'ils sont fans. Mélanie, comme un Médéni. Mélanie, comme un Médéni. Comme un Médéni. Moi j'ai confiance en moi, c'est pas qu'un aspect. Yes et abs, c'est comment sur sa bouche un abcès. Ah, même plus d'écouter, d'opérer dans les bas-fonds, bouffons. Et là ça témoigne tout seul. Je frissonne pour taper tous ces MC, leur faire oublier comme Jason, je cours. Consomme cher, vélo, lions ont beaucoup trop fort sur la scène. Et on assiste à la montée, assiste dans le Uber, fuck. Bloco massif dans la poche, maz. Ton poster Aster, non pas dans ton costard. Pour le moment on s'était et le taf parle et beaucoup le savent. Ça sert un peu à tout, un ordinateur. Ma tête à te puis sur Skype. Elle veut me servir un skate. Non merci, j'ai ma ligne et j'ai ma paye. Elle est maligne, c'est la base. Mais je la pèse et j'apaise les esprits. Faudra augmenter ma paye. On veut des plus beaux apparts. On veut des tubes dans un sac. Dans du satin, je veux cette garce. Ramène un coussin, on va baiser la poussière. J'ai c'est du sirop de ta scène, au scène. Touchez-moi pas, j'ai la peau sensible. Oh. Mélanie, comme un Médéni. Mélanie, comme un Médéni. Comme un Médéni. On le fait safe mais on le fait nous-mêmes. On le fait safe mais j'suis trop déter. On le fait safe mais on le fait nous-mêmes. Hors série retourne la ville, toute ma team est déter. Les projets sont concrets, faire des thunes des concerts. Chez Goua pense concerne, défoncer v'la décerne. Gros tarpé comme dessert, j'vais la taper c'est sûr. Plein de drogue dans le calbut, fuck le videur ta boîte. Comme membrane je me déploie, trop d'histoires que tu crois. On te fait tout avaler, tu fais que cavaler. Sur le polo cavalier, on a tout à gagner. On fait self-made, HS dans ta ville. On le fait self-made, lions ont grave l'envie. Tu nous ralentis, on te garantit que si tu parles mal on tire. Toute façon je peux pas te sentir. Mélanie,